بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد عنوه شابيتر également, وهو باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما, ce qui est venu à propos de l'oignon et de l'ail, ce qui y ressemble. يقول في الحديث الرابع عشر بعد المئة, 114e حديث, et également il va suivre le 115e حديث, les deux sont du même sujet. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلن أو ليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته وأتي بكدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأله فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لم تناجي. نص الحديث, جابر بن عبد الله رضي الله عنهما dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a mangé de l'oignon ou de l'ail alors qu'il s'éloigne de nos mosquées, de nos masajides, et qu'il reste chez lui, et qu'il lui fut apporté une casserole, un récipient dans lequel se trouvaient des légumes avec des épices, et il y a trouvé une odeur. Donc il a interrogé à propos de ce plat et il fut informé de ce qu'il contenait comme épices, et parmi elles sûrement de l'oignon et de l'ail, ce qui a un goût et qui laisse une odeur qui est forte. Donc il a dit, approchez-la, c'est-à-dire vers ses compagnons, de rapprocher le plat vers ses compagnons, parmi ceux qui étaient avec eux. Et lorsqu'il a vu que ses compagnons n'ont pas voulu en manger également, il leur a dit, plutôt c'était un seul, c'était Abu Ayyub al-Ansari. Il lui a dit, mange. Il a dit, car moi je parle avec celui avec qui tu ne parles pas. Il y a la raison qui fait que lui n'en a pas mangé, c'est qu'il a des entretiens avec des personnes, c'est-à-dire c'est Jibril, et Jibril ne s'entretient qu'avec lui, pas avec les autres. Donc les autres peuvent manger de ce plat-là. Et le deuxième hadith, c'est hadith Khamis Achar, Bad al-Miyah, 115e hadith, toujours en Jabir, An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال من أكل البصل أو الثوم أو الكرث فليقربن مساجدنا فإن مالك تتأذى بما يتأذى منه بنو الإنسان وبنو آدم. Donc, toujours selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange de l'oignon ou de l'ail, ou même du poireau, alors qu'il n'approche pas nos masajides. Car les anges sont, ressentent le mal que ressentent les fils de Adam. Alors, ce qui nuit aux fils de Adam, cela nuit également aux anges. Yaqul fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, que le rapporteur de deux hadiths, c'est Jabir. Les deux hadiths, c'est Jabir. Et sa tarjama a déjà été cité auparavant. Yaqul mawdu' al-hadith, le sujet du hadith, bayan hukmi khudur ou hudur al-masjid liman akala thawman ou basara. Maintenant, c'est quoi le jugement de celui qui aura mangé de l'ail ou de l'oignon, ou ce qui ressemble. Donc il dit dans le sharh al-ijmali, l'explication globale du hadith. Yurbiru Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara man akala thawman aw basaran an yatazil masajid al-muslimin wa jama'atihim aw jama'atuhum lima fi hudurihim min adhiyatihim wa adhiyat al-mala'ika fi al-masajid bi ra'ihatihima al-kariha. Donc Jabir informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à quiconque aurait mangé de l'oignon ou de l'ail de s'éloigner des masajides, des musulmans et de leur groupe, pour ce que cela comporte comme nuisance par sa présence, ainsi qu'aux anges dans les masajides, par l'odeur que dégagent ces aliments. وَذَلِكَ لِيَنَّا دَرَعِي هَدِي الْأَذِيَةِ الْعَمَّةِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَةِ الْمَصْلَحَتِهِ الْخَاصَّةِ بِحُضُورِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي كَنَا وَالسَّبَبْ فِي تَفْوِيتِهَا. Et cela du fait que le fait d'éviter le mal qui touche de façon générale aux autres, cela prédomine sur le fait que lui délaisse la salat au jama'a à lui tout seul. C'est-à-dire le mal qu'il fait aux autres est plus important à préserver que lui observe ce qui lui revient à lui-même comme récompense dans la salat en jama'a. La nuisance générale prédomine sur celle qui est individuel. Donc, vaut mieux pour lui qu'il rate la salat lui, plutôt qu'il nuise à la salade des autres. ثم يعبر جابر رضي الله عنه عن قصة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أتي بقدر في خضروات من بقول لها رائحة كريهة حيث لم تطبخ طبخا تزر به رائحته. Donc après Jabir a informé également de ce qui arrive au Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un plat justement rempli d'aliments d'épices avec des odeurs qui n'étaient pas agréables du fait qu'ils n'ont pas été cuisinés de sorte à ce que l'odeur disparaisse. Fasala anha man ja'a biha. Donc le Nabi sallam a interrogé celui qui a porté le plat. أو غيره أو أخرى شخص فأخبر بما فيها من البقول فلم يرغب فيها وأمر أن تقرب إلى بعض أصحابه فلما قربت إليه كرهها وأكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها. Donc ensuite lorsqu'il fut informé justement du contenu de ce récipient, il a ordonné que celui-ci soit apporté vers son compagnon qui était avec lui en sa présence. Mais lorsque ce compagnon a vu que le Nabi صلى الله عليه وسلم n'a pas voulu en manger, lui-même n'a pas voulu en manger. Donc فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل وبين له السبب في امتناعه من أكلها بأنه ينادي جبريل فلا يحب أن يأكل ما له رائحة كريهة تكريما لمن يخاطب وأما من قربت إليه فلم يكن يخاطب جبريل فلا موجب لامتناعه من أكلها. Donc après le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit à ce compagnon qui était Abu Ayyub al-Ansari d'en manger, mange de ce plat-là. Car ce qui lui empêchait lui d'en manger, c'est le fait qu'il avait des entretiens avec Jibril. Donc cette odeur-là aurait été un manque de marque d'honorabilité envers Jibril. Mais comme lui, Abu Ayyub ne parle pas avec Jibril, il lui a dit, toi, mange-en. Naam. Yaqul fi fawaid al-hadith, enseignement utile du hadith. Amara man akala thawman aw basalan bi'i'tizal masajid al-muslimin wa jama'atihim liyalla yu'adhiyahum. بِرَائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَيُقَاسَ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ فِيهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مِنْ بُخَرْ وَنَحْوِهِ حَتَّى تَزُولُ. Donc le Nabi sallam a ordonné à celui qui aurait mangé de l'ail ou de l'oignon de s'éloigner des massagites des muslimites et de leur groupe afin de ne pas leur nuire, leur porter préjudice par cette mauvaise odeur. Et on compare à cela toute chose qui comporterait une mauvaise odeur qui pourrait nuire aux gens dans leur salat en groupe jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Par exemple, les gens qui fument. À la base, fumer est interdit. Mais qui plus est, quelqu'un qui aurait fumé, l'odeur qu'il dégage de lui du tabac, celle-ci nuit aux gens dans la salat en jamara. Ou quelqu'un qui aurait fait un travail et qui portait des vêtements, qui dégage une odeur qui est désagréable. Poissonnier ou je ne sais quoi d'autre comme travail. Tout cela, il faut que l'odeur disparaisse. Thaniyan, an al-masalih al-amma awla min mura'at al-masalih al-khasa. Que l'intérêt général prédomine sur l'intérêt individuel. C'est-à-dire le fait qu'une personne rate un salat en jamara, cela est moindre que cette salat ne soit, elle, rendue désagréable pour les gens de leur ensemble. Salisan, an al-asl ata'athi bil nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta yathbut khususiyatuhu. Que la base, c'est qu'on doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on ait une preuve que ce qu'il fait est une chose qui lui est propre à lui. D'accord ? C'est-à-dire tout ce qu'il fait le nabi sallallahu alayhi wa sallam à la base nous concerne tous. Et la preuve, c'est que lui, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas voulu manger, justement. De ce plat-là. Donc le Sahabi n'a pas voulu en manger également. Et là, le Nabi Sallam le fait comprendre que cela était propre à lui, car il parlait avec Jibril. D'accord ? Non. Donc dès qu'on voit une chose que le Nabi Sallam y fait, on ne dit pas non, cela lui est spécifique. On peut dire cela parce qu'on a une preuve que cela lui est spécifique. Sans quoi, on fait comme lui. Rabi'an, husn ta'alim al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, haythu yukarrin bi bayan sababihi liyatma'inna al-mukhatab bi ma'rifat al-hikmah. Également qu'il y a justement la sagesse que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve dans sa pédagogie, dans son enseignement, du fait qu'il démontrait la sagesse qu'il y avait dans les jugements qu'il émettait pour que les gens, justement, puissent s'apaiser de savoir pourquoi ils font telle chose ou pourquoi ils ne la font pas. Donc cela n'est pas obligatoire dans chaque chose. Et dans l'autre hadith, dans le jugement, dans l'explication générale du hadith, Jabir ibn Abdillah, toujours, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger de l'ail ou de l'oignon ou du poireau pour celui qui ou plutôt que celui qui aurait mangé de cela qui ne rentre pas dans les massagites. Donc cela suit ce qui a été cité précédemment et également que cela nuit aux anges qui sont dans les massagites. Car comme on avait dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait à parler avec Jibril, et bien Kazaïlik, lorsqu'on va au Masjid, il y a des malaïka qui sont présents, des anges, et que cette odeur leur nuit. Car lorsqu'on recite du Coran, les anges viennent et se rapprochent de nous, juste ce qu'ils posent leur bouche sur notre bouche. Donc si on nous dégage une mauvaise odeur, cela va leur porter préjudice. Donc attention, un point important. D'accord, un point important, il n'est pas interdit de manger de l'ail ou de l'oignon ou autre. Ce qui est interdit, c'est une fois qu'on en a mangé, de se rendre au Masjid pour faire la salade en jamara tant que l'odeur est présente. Mais ce que l'on peut faire, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, sait que la salade va arriver et qu'il aura un plat avec ces ingrédients-là, ces aliments-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les cuisine. Car c'est ça qui tue l'odeur. Par contre, lorsqu'ils sont mangés crus, c'est là que l'odeur, elle apparaît et que là, le jument est émis, qu'il ne peut pas se rendre à la mosquée tant qu'il n'a pas fait partir l'odeur. Et cette odeur-là peut partir avec, en mangeant, par exemple, du persil. Car l'odeur, en fait, elle est dans l'estomac, elle n'est pas dans la bouche. Donc se brosser les dents ne servira à rien. L'odeur vient de l'estomac. Par exemple, des gens s'en rendent compte, des fois, il n'y a pas d'odeur, et lorsqu'ils rotent, l'odeur, elle ressort. Ce qui prouve que l'odeur est à l'intérieur. Donc le dentifrice ne servira à rien du tout. Donc les choses qui peuvent aider à faire partir l'odeur, il y a le persil, ou également de l'eau avec du clou de girofle, ou de miel. Wa kada. Naam, hada ladhi akhadna al-yawm, wa alhamdu rabbil alamin.